Scène de la vie égyptienne, le harem, par Gérard de Nerval. Chapitre 1er, le passé et l'avenir. Je ne regrettais pas de m'être fixé pour quelque temps au Caire et de m'être fait, sous tous les rapports, un citoyen de cette ville, ce qui est le seul moyen, sans nul doute, de la comprendre et de l'aimer. Les voyageurs ne se donnent pas le temps, d'ordinaire, d'en saisir la vie intime et d'en pénétrer les beautés pittoresques, les contrastes, les souvenirs. C'est pourtant la seule ville orientale où l'on puisse retrouver les couches bien distinctes de plusieurs âges historiques. Ni Bagdad, ni Damas, ni Constantinople n'ont gardé de tels sujets d'études et de réflexions. Dans les deux premières, l'étranger ne rencontre que des constructions fragiles de briques et de terre sèche. Les intérieurs offrent seuls une décoration splendide, mais qui ne fut jamais établie dans des conditions d'art sérieux et de durée. Constantinople, avec ses maisons de bois peintes, se renouvelle tous les 20 ans et ne conserve que la physionomie assez uniforme de ses dômes bleuâtres et de ses minarets blancs. Le Caire doit, à ses inépuisables carrières du Mokattam, ainsi qu'à la sérénité constante de son climat, l'existence de monuments innombrables. L'époque des califes, celle des soudans et celle des sultans mamelouks, se rapporte naturellement à des systèmes variés d'architecture dont l'Espagne et la Sicile ne possèdent qu'en partie les contre-épreuves ou les modèles. Les merveilles mauresques de Grenade et de Cordoue se retracent à chaque pas au souvenir, dans les rues du Caire, par une porte de mosquée, une fenêtre, un minaret, une arabesque, dont la coupe ou le style précise la date éloignée. Les mosquées, à elles seules, raconteraient l'histoire entière de l'Égypte musulmane, car chaque prince en a fait bâtir au moins une, voulant transmettre à jamais le souvenir de son époque et de sa gloire. C'est Amrou, c'est Hakem, c'est Touloun, Saladin, Bibars ou Barbouk, dont les noms se conservent ainsi dans la mémoire de ce peuple. Cependant, les plus anciens de ces monuments n'offrent plus que des murs croulants et des enceintes dévastées. La Moscou d'Amrou, construite la première après la conquête de l'Égypte, occupe un emplacement aujourd'hui désert entre la ville nouvelle et la ville vieille. Rien ne défend plus contre la profanation de ce lieu si révéré jadis. J'ai parcouru la forêt de colonnes qui soutient encore la voûte antique. J'ai pu monter dans la chaire sculptée de l'Iman, élevée l'an 94 de l'Égypte, et dont on sait qu'il n'y en avait pas une plus belle ni plus noble après celle du prophète. J'ai parcouru les galeries et reconnu au centre de la cour la place où se trouvait dressé la tente du lieutenant d'Omar, alors qu'il eut l'idée de fonder le vieux Caire. Une colombe avait fait son nid au-dessus du pavillon. Amrou, vainqueur de l'Égypte grecque et qui venait de saccager Alexandrie, ne voulut pas qu'on dérangeât le pauvre oiseau. Cette place lui parut consacrée par la volonté du ciel, et il fit construire d'abord une mosquée autour de sa tente, puis autour de la mosquée une ville qui prit le nom de Fostat, c'est-à-dire la tente. Aujourd'hui, cet emplacement n'est plus même contenu dans la ville et se trouve de nouveau, comme les chroniques le peignaient autrefois, au milieu des vignes, des jardinages et des palmeraies. J'ai retrouvé, non moins abandonné, mais à une autre extrémité du Caire et dans l'enceinte des murs, près de Bab el-Nasser, la mosquée du calife Hakem, fondée 3 siècles plus tard, mais qui se rattache au souvenir de l'un des héros les plus étranges du Moyen-Âge musulman. Hakem, que nos vieux orientalistes français appellent le Chakamberi, ne se contenta pas d'être le 3e des califes africains. L'héritier, par la conquête des trésors d'Haroun al-Rachid, le maître absolu de l'Égypte et de la Syrie, le vertige des grandeurs et des richesses en fit une sorte de Néron, ou plutôt d'Héliogabale. Comme le premier, il mit le feu à sa capitale dans un jour de caprice. Comme le second, il se proclama Dieu et traça les règles d'une religion qui fut adoptée par une partie de son peuple et qui est devenue celle des Druzes. Hakem est le dernier révélateur, ou, si l'on veut, le dernier dieu qui se soit produit au monde et qui conserve encore des fidèles plus ou moins nombreux. Les chanteurs et les narrateurs des cafés du Caire racontent sur lui 1000 aventures, et l'on m'a montré sur une des cimes de Mokattam l'observatoire où il allait consulter les astres, car ceux qui ne croient pas à sa divinité le peignent du moins comme un puissant magicien. Sa mosquée est plus ruinée encore que celle d'Amrou. Les murs extérieurs et 2 des tours ou minarets situés aux angles offrent seuls des formes d'architecture qu'on peut reconnaître. C'est de l'époque qui correspond au plus ancien monument d'Espagne. Aujourd'hui, l'enceinte de la mosquée, toute poudreuse et semée de débris, est occupée par des cordiers qui tordent leurs chambres dans ce vaste espace et dont le rouet monotone a succédé au bourdonnement des prières. Mais l'édifice du fidèle Amrou est-il moins abandonné que celui de Hakem l'hérétique, abhorré des vrais musulmans? La vieille Égypte, oublieuse autant que crédule, a enseveli sous sa poussière bien d'autres prophètes et bien d'autres dieux. Aussi l'étranger n'a-t-il à redouter dans ce pays ni le fanatisme de religion, ni l'intolérance de race des autres parties de l'Orient. La conquête arabe n'a jamais pu transformer à ce point le caractère des habitants. N'est-ce pas toujours d'ailleurs la terre antique et maternelle où notre Europe, à travers le monde grec et romain, sans remonter ses origines? Religion, morale, industrie, tout partait de ce centre à la fois mystérieux et accessible, où les génies des premiers temps ont puisé pour nous la sagesse. Ils pénétraient avec terreur dans ces sanctuaires étranges où s'élaborait l'avenir des hommes et ressortaient plus tard le front saint de lueur divine pour révéler à leur peuple des traditions antérieures au déluge et remontant aux premiers jours du monde. Ainsi Orphée, ainsi Moïse, ainsi ce législateur moins connu de nous que les Indiens appellent Rama, emportait un même fond d'enseignement et de croyance qui devait se modifier selon les lieux et les races, mais qui partout constituaient des civilisations durables. Ce qui fait le caractère de l'antiquité égyptienne, c'est justement cette pensée d'universalité et même de prosélytisme que Rome n'a imité depuis que dans l'intérêt de sa puissance et de sa gloire. Un peuple qui fondait des monuments indestructibles pour y graver tous les procédés des arts et de l'industrie et qui parlait à la postérité dans une langue que l'on comprendra peut-être un jour mérite certainement la reconnaissance de tous les hommes. Quand cette grande Alexandrie fut tombée, et tous les Sarrasins eux-mêmes, c'était encore l'Égypte principalement qui conservait et perfectionnait les sciences où puisa le monde chrétien. La domination des Mamelouks a éteint ces dernières clartés, et il faut remarquer que cette sorte d'obscurantisme où l'Orient est tombé depuis 3 siècles n'est pas le résultat du principe mahométan, mais spécialement de l'influence turque. Le génie arabe, qui avait couvert le monde de merveilles, a été étouffé sous ses dominateurs stupides. Les anges de l'islam ont perdu leurs ailes. Les génies des mille et une nuits ont vu briser leurs talismans. Une sorte de protestantisme aride et sombre s'est étendu sur tous les peuples du Levant. Le Coran est devenu, par l'interprétation turque, ce qu'était la Bible pour les puritains d'Angleterre, un moyen de tout niveler. Les arts, les lettres et les sciences ont disparu depuis ce temps. La poésie des mœurs et des croyances primitives n'a laissé ça et là que de légères traces, et c'est l'Égypte encore qui a conservé les plus profondes. Aujourd'hui, ce peuple opprimé si longtemps ne vit que d'idées étrangères. Il a besoin qu'on lui rapporte les lumières éparses dont il fut longtemps le foyer. Mais avec quelle reconnaissance, avec quelle application studieuse il s'emprunt déjà et se fortifie de tout ce qui vient de l'Europe. Les chefs-d'œuvre de nos sciences et de nos littératures sont traduits en arabe et multipliés aussitôt par l'impression. Des milliers de jeunes gens élevés pour la guerre emploient à cette œuvre les loisirs de la paix. Faut-il désespérer de cette race forte avec laquelle Mehmet Ali avait, dans ces derniers temps, reconquis et renouvelé l'ancien empire des califes et qui, sans l'intervention européenne, aurait en quelques jours renversé le trône d'Ottoman? On peut prévoir déjà qu'à défaut de cette gloire militaire qui n'a laissé à l'Égypte que l'épuisement d'un grand effort trahi, la civilisation et l'industrie occuperont les forces et les intelligences sollicitées à l'action dans un but différent. À Constantinople, les institutions récentes sont stériles. Au Caire, elles donneront de grands résultats lorsque plusieurs années de paix auront développé la prospérité matérielle.